temps que j'avais. Chef étoilé, menu du jour, loot gratuit et steak cramé. Tu poses, je pique. T'as farmé, je fais mon pic. C'est pas du vol, c'est du recyclage. T'as farmé, je suis l'écologiste de ton carnage. Tu poses, je pique. Plus c'est pas du camping chic. Je passe vide, je laisse une signature, un smiley et une base sans futur. À Ours, je l'ai désarmé avec classe. T'as voulu bait, j'ai monté une base. Viewé en mode sniper, c'est la fête. On raid en freestyle, toi t'as pris la défaite. Faut pas construire sans flair artistique. T'as tout mis droit, moi je raid en acoustique. T'as le stuff, j'ai le style. Et rider ski en vitrine, sans faire de bill. Tu poses, je pique. C'est signé rider skill, panique. Trop de loot, pas de cerveau. J'te décore ta base façon Rocco Déco. Tu poses, je pique. Rusty, c'est cruel mais c'est chic. T'as mis des murs, moi j'mets l'ambiance. Et j'me sers pendant ton absence. T'as posé que je. T'as posé tout ça. 100 mètres de verrou. Merci frère. Viewer. On clip ça. Tu poses, je pique. Même ton panneau, le loot m'indique où je dois creuser, où je dois tirer. Et surtout, où je dois danser. Tu poses, je pique. On m'appelle le raid comique. T'as pas de stuff, t'as qu'à faire mieux. Mais je suis là, et je te laisse plus Dieu. Podis tout ça. Merci pour la livraison automatique.